Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 17 mars 2022, troisième jeudi du mois. Des mots, des sons sensibles donnent carte blanche au Grémos, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. C'est l'émission mensuelle, le troisième jeudi du mois en effet, 12h, rediffusion 19h et le lendemain dès 8h. Le Grémos, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui va être aujourd'hui inscrit dans une perspective peut-être un peu plus actuelle. En tout cas, nous allons parler des travailleurs, travailleuses, voire eh bien de ceux qui parfois aussi et celles sont privés d'emploi. Ça tombe plutôt bien et à point nommé pour cette émission aujourd'hui, en ce jeudi 17 mars, puisque à moins de 2 mois des élections présidentielles, eh bien les salariés, les étudiants, étudiantes, les retraités, les privés d'emploi, eh bien, on semblait important de se mobiliser et de porter haut et fort leurs revendications, que ce soit en termes de salaire, de pouvoir d'achat, de droits, d'égalité femmes-hommes, de conditions de travail, d'études et j'en passe. Dans la Loire, les syndicats CGT, FSU, Solidaire et UNSA ont organisé pour cette journée du 17 mars, jeudi 17 mars, une journée d'action et de grève. Une journée d'action, de grève, de manifestation interprofessionnelle avec des initiatives à Saint-Étienne et Roanne ce matin. Pour Saint-Étienne, notamment, une manifestation était prévue au départ de la Bourse du Travail à 10h30 pour se rendre jusqu'à la place Jean Jaurès. Et cette journée se poursuit, bien entendu. Cela tombe plutôt bien, en effet, car cela va être tout à fait en lien avec notre sujet aujourd'hui. Le Grémos va être et est largement consacré aujourd'hui au travail, à l'Institut du Travail plus précisément, avec eh bien cet Institut du Travail de Saint-Étienne qui, je le rappelle, a été créé en 1981, qui est une composante autonome de l'université Jean Monnet, gérée par un conseil composé d'universitaires, de représentants des syndicats, CGT, CFDT, FO et d'autres représentants du monde du travail. Son président est un syndicaliste, son directeur un universitaire. L'Institut du Travail de Saint-Étienne est membre du réseau des instituts du travail, dont certains ont plus de 60 ans d'existence. Et ces instituts traduisent la volonté de certaines universités de s'ouvrir aux militants du monde ouvrier. Alors, ces instituts du travail participent à la formation des militants, certes des trois principales confédérations syndicales de salariés, CGT, CFDT, FO, dont je parlais tout à l'heure, en permettant donc à ces militants de compléter les acquis de leur expérience par un enseignement de niveau universitaire. Et puis, à la demande des centrales syndicales, membres du conseil d'administration, l'Institut du Travail dispense des formations pluridisciplinaires également. Et plus spécifiquement encore, l'Institut du Travail de l'Université Jean Monnet développe des formations, encadre des recherches et organise des conférences publiques ou des tables rondes rassemblant des universitaires, des syndicalistes, des responsables de l'administration du travail sur divers thèmes concernant le monde du travail. Que ce soit la loi de modernisation sociale, les retraites et le chômage. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec une proposition de diffusion, retransmission d'une conférence qui ne se tenait pas plus tard qu'avant-hier à Saint-Étienne et que nous avions rappelé sur ces ondes. C'est donc Serge Proust que l'on remercie par ailleurs de l'Institut du Travail, membre actif du Grémos également, qui aussi a assuré cette proposition aujourd'hui. Le chômage dont on parle beaucoup actuellement, mais aussi depuis quelques mois et quelques années. D'ailleurs encore aujourd'hui, j'ai pu voir circuler par un certain député la question du non-recours, en tout cas via le rapport sur le non-recours au chômage qu'on attend depuis 4 ans. Où est passé ce rapport ? Caché par Matignon, pose ce député FI pour le citer, censuré par l'Élysée. Le ministère du Travail a jusqu'à ce soir d'ailleurs pour livrer, comme l'exige la loi, ce document aux parlementaires. Fin de parenthèse, il va être question de chômage et d'indemnisation du chômage avec un premier bilan d'une contre-réforme. L'Institut du Travail a invité Mathieu Grégoire ce mardi 15 mars. Mathieu Grégoire qui est sociologue, qui travaille sur la situation de l'assurance chômage et les politiques du chômage via de nombreux travaux. Depuis 2018, les réformes des gouvernements Philippe et Castex ont profondément transformé le droit à l'indemnisation du chômage et en subvertissant profondément la nature d'assurance sociale. Mais voilà que cette conférence de Mathieu Grégoire revenait sur les enjeux de l'étatisation de ce dispositif historiquement paritaire. Conférence qui portait également sur le profond changement de paradigme que cette réforme implique en matière de droits sociaux, en s'arrêtant en particulier sur l'individualisation des droits des salariés à l'emploi discontinu, structuré désormais par une logique de bonus-malus radical. Ce sera aussi, alors c'était parfois technique, vous allez l'entendre, mais néanmoins vous allez avoir cette vision quelque peu d'ensemble, et sera aussi l'occasion d'un bilan des luttes syndicales sur le sujet durant le dernier quinquennat. Voilà, on retrouve le sociologue Mathieu Grégoire, invité par l'Institut du Travail, c'était ce mardi 15 mars, et c'est la proposition aujourd'hui de cette émission spéciale du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Conférence de Mathieu Grégoire, c'est d'ici un instant sur le 895 de Dio. Bonne conférence, bonne émission, bonne écoute. Alors je vous remercie d'être là, et je vous remercie vraiment Serge d'être Proustin. Là, voilà, parce que j'essaye de faire régulièrement ces conférences, mais c'est vrai que de temps en temps je suis honteux et je m'excuse toujours auprès des, régulièrement auprès des conférenciers, parce que je trouve que il n'y a pas trop de monde, pas assez de monde, surtout ce soir par rapport à la thématique de l'assurance chômage, et surtout dans le contexte actuel. Politique, etc., les élections, la campagne électorale. Alors, évidemment, tout le monde a probablement autre chose en tête, mais quand même, la question du chômage, des projets de réforme en cours ou à venir, me paraissent un des enjeux très, très importants dans la société contemporaine. Mais bon. Bien, donc, Mathieu Grégoire est maître de conférence en sociologie à Nanterre et spécialiste de la... disons, des politiques du chômage et de l'assurance chômage. Il a, avec une collègue, Claire Vivès, publié récemment un rapport très important sur les politiques d'assurance du chômage, sur l'assurance chômage depuis 20 ans. Depuis 79. Depuis 79, voilà, depuis 40 ans. On est en contact depuis pas mal de temps. Le virus a retardé un certain nombre de choses, mais donc il m'est apparu important de l'inviter pour faire un état, qu'il nous fasse état de l'analyse qu'il fait de l'assurance chômage, de la politique actuelle, et puis peut-être de proposer un premier bilan des réformes mises en place dès le mois de septembre dernier. Voilà, donc je lui laisse la parole pour trois quarts d'heure, une heure de conférence, comme on le dit classiquement. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis content de voir des visages déjà. Ça fait longtemps que je ne me suis pas trouvé dans cette situation de voir des visages en vrai, sans masque. Donc pour compléter un tout petit peu la présentation, je commençais peut-être par ça. Simplement, j'ai fait un travail d'analyse de la réforme de l'assurance chômage et de l'assurance chômage en général depuis 40 ans. Mais il s'est trouvé aussi que je me suis trouvé un peu embarqué via la CGT, à laquelle je n'appartiens pas, mais avec qui je discute, dans le processus même, pas tellement de négociations, parce que ces négociations, on n'en a pas eu vraiment, mais de contestation au Conseil d'État, et donc de recherche en partenariat avec la CGT pour essayer de contrer cette réforme d'un point de vue juridique, puisque ce n'était pas possible de le faire dans la rue, puisque évidemment, le chômage et l'assurance chômage, ça n'intéresse personne. Alors, je le dis d'autant plus modestement que nos tentatives ont échoué, comme vous le savez, et que finalement, après 3 ans de lutte au Conseil d'État, le gouvernement a obtenu gain de cause et a réussi à faire passer une version de sa réforme, pas la pire. Ça c'est les premiers éléments. Alors, la réforme de l'assurance chômage, c'est quand même la seule victoire, et c'est peut-être pour ça que c'était très important pour le gouvernement. C'est la seule victoire du gouvernement sur le front social, on va dire, puisqu'il a dû abandonner sa réforme des retraites, donc ce sera pour le prochain mandat, mais peut-être pas la même, on verra. Bon, mais en tout cas, du coup, ça a aussi mis une espèce de fuite en avant du gouvernement dans son combat pour faire passer absolument cette réforme, sans quoi Macron n'aurait eu aucun bilan à montrer. Alors qu'est-ce que c'est que cette réforme ? Alors d'abord, quelques éléments de contexte, juste chronologique pour vous remettre en tête la manière dont le quinquennat, on va dire, s'est passé sur ce dossier. Macron, au début, Macron candidat, a un peu plus aux syndicats, en réalité, à tous les syndicats, notamment autour de la proposition de bonus-malus. Donc le bonus-malus, c'était destiné à moduler les cotisations des employeurs, l'idée étant que un mauvais employeur, bon, que les emplois courts, c'est le mal, que les emplois stables, c'est le bien, sans plus de réflexion sur parfois le fait que c'est un peu plus complexe que ça. Et donc, l'idée, c'était simplement de punir les mauvais employeurs en augmentant leur taux de cotisation et de récompenser, bonus, les bons employeurs qui faisaient des bons emplois stables en baissant leur taux de cotisation. Cette proposition qui est issue c'est une proposition de Tirole, donc prix Nobel d'économie, enfin en tout cas supposé prix Nobel d'économie, puisqu'il n'y a pas de prix Nobel en économie, mais passons. Donc il y avait tous ces économistes libéraux. J'attire votre attention sur le caractère un petit peu étrange de l'attelage de cette alliance qui s'est opérée à ce moment-là. C'était les économistes libéraux, pro-bonus-malus, Macron et tous les syndicats. Alors la CGT, en disant « nous on est pour le malus, mais pas pour le bonus », mais en même temps, la CGT dans une position un petit peu ambiguë, vous étiez aussi très content qu'il y ait une espèce d'unité syndicale sur la question, et au fond, ils rajoutaient leur petit bémol sur le malus à la fin de chaque réunion, mais enfin, c'était un petit bémol qui n'empêchait pas le fait qu'il y avait une alliance de tous les syndicats autour de cette proposition. Ça a commencé comme ça. Le MEDEF était vent debout contre Macron, contre cette proposition, parce que le MEDEF ne veut pas, depuis le départ, de modulation des cotisations patronales. Je pourrais revenir sur les raisons qui amènent le MEDEF à ne pas vouloir de cette modulation, mais globalement, il y a une question un petit peu de solidarité interpatronale qui est en jeu là-dedans. Le but, ce n'est pas de commencer à regarder au sein du MEDEF, qui est une confédération, enfin de différentes fédérations patronales, qui est gagnant, qui est perdant, et est-ce qu'il faudrait qu'on se fasse des chèques entre nous, etc. Ils ne veulent pas rentrer dans ce débat-là qui poserait vraiment des problèmes internes importants. Bon, premier élément de contexte historique. Donc on part comme ça. Alors en même temps, la première chose que Macron fait, c'est la loi de finances de la sécurité sociale de 2018, donc qui est votée le 30 décembre 2017, qui supprime les cotisations salariées. Donc, qui remplace ça par la CSG. Donc, c'est un impôt qui remplace une cotisation salariale. Donc, on peut voir ça comme de la tuyauterie, tout ça n'est pas très grave, ça ne fait que financer l'assurance chômage par les retraités. Ça permettait d'afficher une petite augmentation de salaire gratos pour tous les actifs, etc. Pour les fonctionnaires, on a dit non, finalement, les fonctionnaires, vous continuez à pas payer, on aura fait payer la CSG, puis on compensait l'augmentation. Enfin, bref, des systèmes compliqués. Mais au final, c'est juste que les retraités ont payé un peu plus de CSG pour... et les chômeurs aussi ont payé, ce qui est assez ironique, ont payé la CSG pour financer la part perdue de la cotisation salariale. Évidemment, symboliquement, c'est aussi très important, et politiquement, c'est important, parce que quand vous supprimez la cotisation salariale, vous supprimez un tout petit peu la légitimité des syndicats à négocier l'assurance chômage. C'est-à-dire, vous dites, vous venez avec rien... Vous n'avez rien payé dans cette affaire, donc on veut bien vous consulter, on veut bien vous demander votre avis, mais enfin, vous n'avez quand même pas réclamé le fait de pouvoir négocier. Et donc, c'était effectivement le début d'une étatisation du dispositif d'assurance chômage, qui, je ne l'ai pas rappelé, mais est un dispositif qui est paritaire, qui est un des derniers dispositifs qui était paritaire, co-géré par le patronat et les syndicats de salariés, autrement dit, en réalité, par la CFDT et le MEDEF. Puisque dans ce rôle-là, la CGT, alors FO parfois, joue un rôle de complément, mais la CGT est surtout spectatrice, fait des effets de manche à la fin des négociations en déchirant devant les caméras les propositions du MEDEF, ce genre de choses, mais de fait, n'est pas en capacité de bloquer la prise de décision. Donc ça peut être utile que la CGT soit là, elle a les infos, c'est très intéressant qu'elle soit là, mais en fait, elle n'a pas de pouvoir sur la négociation. Bref. Deuxième chose, c'est la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 qui change la gouvernance de l'assurance chômage. Le système qui a été choisi par cette loi, c'est une sorte de mise sous tutelle du paritarisme. C'est quelque chose qu'on avait un peu expérimenté, un système d'enveloppe, de cadre fixé par le gouvernement, qui a été un peu expérimenté par les intermittents dans un autre contexte. Mais l'idée, c'est simplement que le gouvernement donne les objectifs de la négociation, il donne le cadre financier de la négociation, il avait dit faire je ne sais plus combien de milliards d'économies sur les chômeurs, et les syndicats sont supposés négocier avec le patronat dans ce cadre-là, et doivent respecter ce cadre. Si ce cadre n'est pas respecté, ou s'il n'y a pas d'accord trouvé, l'État, le gouvernement, reprend la main. C'est ça la loi de 2018. Donc évidemment, ce qui devait arriver est arrivé, parce que même la CFDT ne peut pas négocier avec un couteau sous la gorge en disant « vous allez faire des économies, on ne va strictement rien donner à la partie salariée, uniquement des sacrifices des droits des chômeurs ». Évidemment, la CFDT n'a pas réussi à aboutir à un accord avec le MEDEF, qui en plus était échaudé par cette histoire de modulation, etc., dont il ne voulait pas. Donc, cette loi aboutit au fait que le gouvernement a repris la main intégralement sur l'assurance chômage et a décrété, puisque c'est un décret, de nouvelles règles à l'été 2019. Donc, je pense que vous vous rappelez tous la conférence de presse de, je crois que c'était en juin ou en juillet 2019, qui se terminait par les propos de la ministre du Travail, Madame Pénicaud, qui se terminait en disant qu'évidemment c'était une réforme contre la précarité. Donc elle avait fait un lapsus énorme. Pour la précarité, contre la précarité, elle s'est emmêlée les pinceaux. Bon, attends, elle avait l'habitude de se emmêler les pinceaux, mais passons. Là, une réforme dont je parlerai ensuite, dont j'analyserai le contenu, mais qui est excessivement difficile, dure pour les chômeurs, et en particulier pour les salariés à l'emploi discontinu, intermittent, etc. À ce moment-là, la CGT attaque au Conseil d'État. Bon, pour l'anecdote, moi je me rappelle bien, on s'était retrouvé, Denis Gravouille du coup avait fait venir des gens à la Bourse du Travail, il y avait des avocats, il y avait des militants, des intermittents, etc. Puis on avait travaillé toute la journée sur comment on pouvait attaquer le truc. Il y avait deux lignes, il y avait les juristes qui disaient, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Les juristes, ils voulaient montrer qu'il y avait des discriminations indirectes. Alors que c'était les femmes qui étaient indirectement discriminées, ou les jeunes, je sais plus quoi. Enfin bon, ils voulaient absolument montrer des discriminations indirectes, ce qui, moi, me paraissait un peu étrange, parce que les gens étaient... C'était indirect, quoi. Donc, à un moment donné, quand c'est indirect, c'est difficile de le prouver, de dire qu'il y a une discrimination particulière, voilà. Et l'autre attaque, c'était de dire qu'il y a des inégalités de traitement. Et en fait, cette histoire d'inégalité de traitement, c'est Samuel Churin qui a amené cette idée-là et qui avait souvenir que les intermittents du spectacle avaient gagné au Conseil d'État avec le même avocat, c'est-à-dire Antoine Lioncamp, sur cette base-là, de montrer qu'il y avait des inégalités de traitement. Et des inégalités de traitement dans ce décret-là, c'était hyper facile de montrer. Et donc, on l'a montré. On a montré que la CGT et son avocat a montré qu'il y avait des inégalités extrêmement fortes, et le Conseil d'État a dénoncé la réforme le 25 novembre 2020. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, évidemment, entre-temps, il y avait eu Covid, reports, blablabla, enfin bon, il y a eu 15 reports, qui fait que notamment les règles liées au calcul du salaire avaient été reportées de 3 mois en 3 mois en permanence. Mais on peut imaginer ce qui se serait passé à ce moment-là, en novembre 2020, s'il n'y avait pas eu de Covid. C'est-à-dire que le Covid a sauvé la mise, d'une certaine manière, au gouvernement. Parce que si la décision avait été la même du Conseil d'État à ce moment-là, ça veut dire qu'on aurait eu des recalculés. C'est-à-dire qu'on aurait dit, écoutez, tous ceux qui ont été lésés depuis la mise en place de la réforme, admettons, je crois que c'était au 1er septembre qui s'était prévu, ou 1er octobre, bon voilà, jusqu'à la décision du Conseil d'État, il va falloir les rembourser. Et donc ça aurait été un foutoir énorme. Bon, et ça n'a pas eu lieu à cause du Covid. Bon, peut-être que le Conseil d'État n'aurait pas pris la décision en fonction des conséquences attendues d'un recalcul. Là-dessus, et je termine la chronologie, hein, le gouvernement ne s'est pas découragé. En mars 2020, il a remis un nouveau décret qui reprenait exactement l'ancien, mais qui était un petit peu modéré, qui empêchait les inégalités de traitement, qui empêchait pas les inégalités de traitement, mais qui empêchait les inégalités de traitement les plus graves. Donc les trucs les plus dingues, je vous montrerai tout à l'heure. Inégalité de traitement, on est bien d'accord, c'est deux personnes strictement identiques qui sont traitées de façon radicalement différente. Le Conseil d'État, s'il y a des petites différences, c'est normal, je veux dire, à un moment donné, il y a toujours dans un concours, il y a un premier recalé. Bon, des différences infimes peuvent créer des différences, mais il ne faut pas que ce soit grave, il faut que ce soit justifié, etc. Là, c'était énorme et ce n'était absolument pas justifié. C'était absolument un travail d'amateur et ça a été dénoncé comme tel. Donc, le gouvernement recorrige et puis finalement, tous les syndicats, cette fois-ci, ont réattaqué. Pour résumer, on a perdu. En tout cas, les syndicats ont perdu et les arguments de la CGT en particulier n'ont pas trouvé d'écho favorable au Conseil d'État. Et donc finalement, cette réforme a fini par rentrer en vigueur en novembre dernier, je crois, et elle est aujourd'hui en vigueur. Voilà le cadre un petit peu chronologique. Alors, je voudrais, pour analyser un petit peu les enjeux de cette réforme, dont je n'ai parlé que de manière très formelle jusqu'à présent, simplement faire trois parties. D'abord, malgré tout, rappeler des éléments de plus long terme, avant 2019-2021, sur l'emploi, l'assurance chômage. Ensuite, dans une deuxième partie, m'intéresser à ce qui fait la cohérence idéologique de la réforme. Et dans une troisième partie, en montrer toutes les incohérences. Parce que des incohérences, il y en a beaucoup, c'est là-dessus qu'on a beaucoup joué au Conseil d'État, en montrant que ça partait dans tous les sens, et qu'il y avait plein de choses qui ne se justifiaient pas par une idéologie ou par une volonté politique, mais plus par un amateurisme dans la mise en œuvre de cette réforme. Alors, quelques éléments juste de contexte très, très large pour comprendre un petit peu la réforme et d'où elle vient, dans quel cadre elle a lieu. La première chose, c'est que le chômage, les demandes d'emploi, les DEFM, ce qu'on appelle les DEFM, donc les demandeurs d'emploi en fin de mois qui sont inscrits à Pôle emploi, ont beaucoup changé. Dans les 20 dernières années, l'image du chômeur qui ne travaille pas est devenue de moins en moins claire. Et on a une autre figure qui a émergé, de façon qui a toujours existé, mais qui a pris beaucoup d'importance statistiquement, qui est la figure du chômeur qui travaille. Chômeur qui travaille, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est inscrit à Pôle emploi, qui a des droits ouverts à Pôle emploi, qui chôme une partie du mois, ou pas d'ailleurs, et qui travaille en même temps une partie. D'accord? Et qui alterne. Donc ce sont des gens qui sont dans l'intermittence de l'emploi. Ces intermittences de l'emploi, j'ai fait des travaux sur les contrats courts. C'est très divers. Je veux dire, quand le gouvernement ou quand des économistes parlent de contrats courts, moi je fulmine un petit peu parce qu'en réalité, c'est une réalité qui n'existe pas. C'est-à-dire que les contrats courts, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est plein de logiques différentes qui sont difficilement comparables. C'est-à-dire vous avez les emplois de maire, de maltraités, vous avez les intérimaires, et vous avez aussi les jobs étudiants, avec des étudiants qui sont à la limite très content de ne pas avoir de CDI, qui recherche un CDD plutôt qu'un un CDI. Vous avez des professions qui fonctionnent sur le CDD d'usage et qui ne s'en plaignent pas. En premier rang desquels, il y a les intermittents du spectacle, évidemment, mais ces intermittents du spectacle qui ne désirent pas forcément tout le temps d'avoir un CDI, ça ne fait pas partie de leur revendication numéro un, ou pas automatiquement en tout cas, eh bien vous en trouvez dans d'autres professions. Aux extras de la restauration, par exemple. Il y a plein d'extras de la restauration qui ne désirent pas, chez les traiteurs, par exemple, qui ne désirent pas nécessairement un CDI. Ça ne fait pas partie de leur revendication. Ce qu'ils désirent, c'est une stabilité économique, une stabilité de leurs revenus, qui soit compatible avec l'intermittence de leur emploi. Les guides conférenciers, par exemple, un autre exemple, les guides conférenciers, ils n'imaginent même pas ce que ça peut vouloir dire un CDI. C'est-à-dire c'est hors de leur univers mental, ils ne savent pas ce que c'est, ça ne peut pas exister, parce qu'ils sont guides conférenciers, je sais pas quoi, en arabe ou en je sais pas quelle langue rare, et donc de toute façon, leur emploi va dépendre des arrivées de touristes à Paris, de je sais pas quoi, de qui va aller visiter les plages en Normandie, etc., etc. Donc, par nature, il y a une intermittence. Les saisonniers, de la même manière. Bon, on n'imagine pas des salariés dans les stations de ski à l'année. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tout un tas de raisons qui peuvent justifier de l'intermittence de l'emploi et sans que ça donne lieu à une revendication de CDI. Bon, les économistes et le gouvernement disent les contrats courts, c'est mal, point. Donc, sans autre forme de nuance dans l'analyse. Et donc, on va faire une réforme pour attaquer les contrats courts, faire baisser les contrats courts, en attaquant les droits de ceux qui ont des contrats courts. Parce qu'au fond, c'est quand même ça l'idée, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui s'installent, d'après cette rhétorique, dans le confort, peuvent justifier de l'intermittence de l'emploi, et sans que ça donne lieu à une revendication de CDI. Bon, les économistes et le gouvernement disent les contrats courts, c'est mal, point. Donc, sans autre forme de nuance dans l'analyse. Et donc, on va faire une réforme pour attaquer les contrats courts, faire baisser les contrats courts, en attaquant les droits de ceux qui ont des contrats courts. Parce qu'au fond, c'est quand même ça l'idée, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui s'installent, d'après cette rhétorique, dans le confort d'une intermittence indemnisée. Et ça, c'est insupportable. Donc, le confort d'intermittence indemnisée, là, vous le voyez là. C'est un graphique en basse sens, ça veut dire qu'on regarde juste la progression. Donc ça, c'est les chômeurs de catégorie A. Donc on part de, moi-même j'y vois rien, 96 je crois. Oui, c'est mieux. C'est mieux, bon, 96. De 96 à aujourd'hui, les chômeurs de catégorie A, c'est ceux qui sont pleinement au chômage tout le mois, ça a augmenté de 3%. Donc autant dire que ce chômage-là, il n'a pas évolué, il est stable. Enfin, il y a eu des hauts, des bas, etc. Mais c'est un grand nombre de demandeurs d'emploi, mais globalement, c'est stable. Ce qui a explosé, c'est les chômeurs de catégorie B et C, qu'on voit ici. Donc là, on est à plus de 240%, d'accord ? Et au sein desquels, donc catégorie B et C, les B, c'est ceux qui travaillent moins de 78 heures dans le mois. Et les C, c'est ceux qui travaillent plus de 78 heures. D'accord ? Et donc, bah, ceux qui ont le plus augmenté, c'est les C, d'accord ? Plus 319%. C'est une véritable explosion, c'est un phénomène extrêmement majeur du marché du travail des 20 dernières années. Et c'est ça qui alerte le gouvernement et qui fait qu'on fait cette réforme-là sur ces gens-là, qui sont ces salariés-là qui sont visés en premier. Donc concrètement, ces salariés-là, ils perçoivent, le gouvernement dit un complément, il y a beaucoup de gens qui disent un complément, ça m'énerve beaucoup quand on dit que c'est un complément, d'indemnité, tous les mois. C'est-à-dire qu'on leur calcule leur montant d'indemnité sur le mois, d'accord, s'ils sont au chômage tout le temps, mais s'ils sont au chômage que la moitié du temps dans un mois donné, ben, ils ont la moitié globalement de leur indemnité, ce qui est assez logique. C'est-à-dire qu'on calcule un chômage à la journée. Le chômage, c'est une notion qui est journalière dans l'assurance chômage. Et donc, voilà, ben, simplement, s'ils sont au chômage 15 jours, ils ont plus que s'ils sont au chômage 10 jours, ils ont plus que s'ils ont au chômage 5 jours, etc., etc. Bon, c'est quelque chose de très simple que je dis, mais manifestement, c'est pas comme ça, en tout cas, que c'est pensé par le gouvernement ou par les économistes libéraux qui voient un complément, qui disent on vous donne quand même une indemnité même si vous travaillez. En sous-entendant que finalement, le fait d'avoir travaillé ne serait-ce qu'une heure dans le mois justifierait qu'on puisse sucrer l'intégralité de l'allocation mensuelle. Ils partent quand même de ce point de vue-là. Ils disent, mais non, on ne le fait pas, pour vous encourager à prendre des emplois, on vous laisse une partie de votre indemnité. Bon. Alors ça, c'était la première ligne à avoir en tête. La deuxième ligne, c'est un travail qu'on avait fait avec Claire Vivès, c'est le taux de couverture de l'assurance chômage. Donc le taux de couverture de l'assurance chômage, c'est la proportion des chômeurs à bénéficier d'une indemnité. Okay, alors on s'est posé cette question très bête, je pense qu'on a commencé à travailler en 2017, 2016, Il y a combien de chômeurs indemnisés sur les chômeurs, sur les demandeurs d'emploi? Et très sincèrement, je pensais en avoir pour une demi-heure sur Google pour trouver la réponse à cette question. Je préparais un cours pour des étudiants. Enfin, je devais y passer vraiment rien. Et puis en fait, j'ai passé un an, deux ans, mais je comprends pas, c'est pas possible, ça ne marche pas. Bon. Pour quelle raison? C'est-à-dire que le gouvernement, enfin en tout cas les services Pôle emploi de l'UNEDIC et du ministère du Travail ont en fait changé la définition du taux de couverture au moment où les choses ont commencé à devenir un petit peu bizarres. Je crois que c'était en 2016. Et au lieu de calculer le taux d'indemnisé parmi les chômeurs, ils ont commencé à calculer le taux d'indemnisable. Alors, une nuance au début, c'est un peu bizarre. Donc les indemnisables, c'est des gens qui ont un droit ouvert, mais qui ne touchent pas forcément. Donc ils sont inscrits à Pôle emploi, on leur dit « si vous êtes au chômage ce mois-ci, vous aurez droit à quelque chose, mais en fait, si vous travaillez, ben, vous avez touché zéro ». Ok, donc c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure, les catégories C, qui ont travaillé éventuellement à plein temps, en fait, dans le mois donné, demeurent inscrits à Pôle emploi, eux, ils ont touché zéro. Et en fait, à partir de 2016, ces deux grandeurs, les indemnisés et les indemnisables, changent tout le temps. Enfin, se divergent complètement. Et donc, on avait des négociations dans lesquelles les syndicats, on leur mettait sous le nez des courbes qui n'arrêtaient pas de monter. Il y avait de plus en plus, le taux d'indemnisable n'arrêtait pas d'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils sont indemnisables, ils ne touchent rien, mais... ou ils touchent, on ne sait pas. Et donc, nous, on a dit, non, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir les indemniser, pas les indemnisables. Et donc, on a dû reconstruire les données, et voilà ce qu'on a montré. Au fond, là, il y avait une énorme baisse dans la période récente de la part des chômeurs indemnisés, même avec un plus bas ici, donc je crois que c'était en 2018, avec un nombre, une part des chômeurs à être indemnisés qui arrivait au plus bas. Alors, bon, je passe, mais ça donne lieu à ce genre de communication de la part de Pôle emploi. Je vous le dis parce que c'est quand même rigolo, j'avais fait travailler là-dessus. J'ai beaucoup travaillé sur les publications de Pôle emploi ou du ministère du Travail à la BNF. Et dans les années 80-90, les publications, par exemple, de la DARES, donc du ministère du Travail, comment dire, c'est froid comme la mort. C'est-à-dire, c'est des tableaux, c'est toujours les mêmes, il n'y a pas un chiffre qui dépasse, etc. Et depuis les années 2000, il y a des communicants qui sont arrivés dans ces services statistiques et on fait ce genre de papier. C'est-à-dire qu'on vous met un chiffre en police 80 pour vous dire... C'est celui-là qu'il faut retenir, et puis on vous met une petite astérix pour vous dire ce qu'il veut dire, etc. Ce qui n'existait pas dans les années 80-90, on n'avait pas du tout ce genre de choses. Donc là, c'était fin juin 2017, j'en ai pris un au hasard. Hein. 68,6% des demandeurs d'emploi ont droit à indemnisation. Donc on se dit, c'est quand même super, parce que c'est pas mal, quoi. Ça fait les deux tiers des chômeurs qui ont un droit à indemnisation. Et en fait, donc si vous regardez, il y a un petit... Un petit astérix qui vous dit non, en fait, c'est des indemnisables. On le voit dans le texte, c'est 69% des demandeurs d'emploi en catégorie ABC sont indemnisables. Et parmi ceux-là, il y en a les trois quarts qui sont indemnisés. Alors, c'est leur grande manière de présenter les choses, c'est assez drôle. À chaque fois, je leur dis si vous avez un élève, un enfant qui est au collège et qui vous dit voilà, papa, maman, j'ai eu un contrôle de maths. J'ai répondu aux trois quarts des questions. Et j'ai eu juste sur les deux tiers des questions auxquelles j'ai répondu. Bon, c'est une manière élégante de dire j'ai eu 10 sur 20. D'accord ? Ben, c'est exactement ce qu'ils font ça. C'est-à-dire qu'ils emboîtent des proportions. Ils disent ben, il y a 68% des demandeurs d'emploi qui ont un droit à indemnisation. Et sur cela, il y en a les trois quarts qui sont indemnisés. Autrement dit, il y a un chômeur sur deux qui n'est pas indemnisé. Donc c'est de la communication, c'est un peu de maths, c'est juste des fractions emboîtées, hein, mais c'est quelque chose qui est, à mon sens, important à avoir en tête, c'est qu'il y a eu cette communication pour dire que tout le monde était indemnisé, alors que ce n'était pas totalement le cas. En tout cas, c'est devenu un peu compliqué de comprendre la couverture du chômage à la fin des années 2010. Et on a changé le thermomètre au moment où... Voilà, bref. Troisième élément de comparaison, enfin de mise en perspective, j'ai fait un autre travail, toujours avec Claire Vivès, où on a essayé de comprendre comment les chômeurs étaient indemnisés depuis 1979. Donc là, je ne vais pas vous assommer avec trop de graphiques, mais malgré tout, c'est la première fois qu'on objectivait l'évolution des droits en prenant une technique, une méthodologie qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on prenait le même profil de chômage, ou d'alternance emploi, chômage, etc. Et puis on lui calculait des droits avec la convention, les règles de 79, les règles de 84, les règles de 92, les règles nanana, et on prenait chaque fois la même personne, et puis on faisait un calcul de ses droits à ces différentes dates, et on voyait ce que ça donnait. Alors, on a des résultats qui sont assez fous. Le premier des résultats que vous voyez sur cette courbe-là, donc ça c'est un salarié stable qui est au chômage 20 mois. Donc le profil stable, ce qu'on appelle un profil stable, c'est quelqu'un qui est en emploi, puis qui tombe au chômage, et puis qui ne travaille pas. Donc c'est le truc le plus classique, simple à comprendre. Bon. Cette personne-là, au SMIC, donc un salaire au SMIC, salarié au SMIC, puis tombe au chômage, 20 mois. Ok. Cette personne-là, son droit n'a quasiment pas évolué depuis 40 ans. C'est-à-dire que la courbe est quand même relativement plate. Il y a un peu des hauts et des bas qui peuvent être aussi un peu liés à notre modèle, qui n'est pas parfait, donc des fois il y a des artefacts. Mais malgré tout, il y a un truc qui est assez dingue, c'est que alors qu'on a des négociations qui sont à chaque fois spectaculaires, on a l'impression que tout le monde se déchire, qu'il y a des réformes tous les 3 ans, il n'y a pas un domaine dans lequel il y a plus de réformes que l'assurance chômage. C'est-à-dire que tous les 3 ans, on remet tout sur le tapis, on invente un nouveau système, etc. On n'a jamais fait ça en termes d'assurance santé, où les choses sont quand même beaucoup plus lentes. Et ben, malgré ça, il y en a un qui n'a jamais vu son droit modifié, c'est le chômeur classique. Malgré tout, toutes les vicissitudes de la négociation, ben finalement, cette figure-là n'a pas beaucoup changé. Et dès qu'on se départit un petit peu de cette figure-là, centrale, les choses sont beaucoup plus compliquées. Donc là, je vous montre juste deux choses, deux autres cas, ce qu'on a appelé de l'intermittence supramensuelle et de l'intermittence inframensuelle. Donc supramensuelle, ça veut juste dire qu'on fait des alternances en termes de mois. Donc là, c'est quelqu'un qui fait 2 mois d'emploi et 1 mois de chômage. Donc on a pris quelqu'un, c'est totalement abstrait ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris quelqu'un qui travaillerait 2 mois, serait au chômage 1 mois, 2 mois, 1 mois, 2 mois, 1 mois, comme ça à l'infini. Et on regarde combien il a sur une période donnée, sur la même période. Bon, on voit que là, il y a déjà plus de variations et qu'il y a une baisse qui est assez importante 2019-2021. Et puis après, l'intermittence inframensuelle, alors lui, on l'a fait travailler 20 jours, donc c'est la même quotité à chaque fois, vous avez remarqué, donc c'est à chaque fois 1 pour 2. Donc un tiers du temps, il est au chômage un tiers du temps. Et là, simplement, quand on fait un tiers du temps, mais à l'échelle du mois, donc quelqu'un qui est au chômage 10 jours par mois, alors là, vous voyez que on a une baisse qui est beaucoup plus importante, notamment avec la réforme 2019-2021. Cette personne, elle arrive à zéro. Ok, donc c'est une baisse assez substantielle. Mais en fait, cette baisse, elle est annoncée par les réformes précédentes, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas comme ça dans une trajectoire qui aurait été positive auparavant. Alors que c'était un peu ce qui avait été dit en 2014, quand on avait fait les droits rechargeables. Que la CFDT avait beaucoup vendu cette idée-là, qu'on allait améliorer les droits des salariés à l'emploi discontinu, etc. Donc je vous montre juste la même chose avec un autre profil. Donc là, c'est la quotité, elle est à 1 sur 2. Donc au lieu de faire 10 jours par mois, on fait 15 jours par mois. Et on fait quelqu'un qui travaille 1 sur 2. Vous voyez que là, c'est encore pire. D'accord, il y a des baisses sur les deux profils. À chaque fois 2019-2021 est vraiment une énorme baisse. Donc tout ça pour dire, en tout cas c'est ce que je voulais retenir de cette affaire-là, de cette présentation en première partie, c'est que la réforme de 2019-2021, elle est vraiment historique. C'est-à-dire que c'est pas une petite réforme, c'est pas quelque chose qui fait hurler les syndicats parce qu'on a enlevé 10% ou 15% des droits aux chômeurs. C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une catastrophe d'une ampleur qui est absolument incroyable et historique. On n'est pas sur des petites baisses, on a un peu perdu, on a un peu gagné, etc. on a anéanti les droits des salariés dont on parle là. De la bande FM, Radio Dio, émission mensuelle du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, avec aujourd'hui la retransmission d'une conférence proposée ce mardi 15 mars par l'Institut du Travail de Saint-Étienne. Mathieu Grégoire, sociologue, qui travaille sur la situation de l'assurance chômage et les politiques du chômage, dresse un premier bilan d'une contre-réforme chômage et indemnisation du chômage. C'est la conférence à suivre sur Dio dans cette émission GREMOS mensuelle aujourd'hui. Pourquoi on a fait ça? Dans la deuxième partie, j'aimerais revenir sur la cohérence de cette réforme et de ce qu'elle idéologiquement, de ce qui la motive et de comment on peut la lire. Il y a des éléments un peu techniques, mais je vais essayer de pas être trop technique. La manière d'indemniser les chômeurs depuis 1958, elle a été relativement constante et simple. La loi prévoit quelques principes. Il n'y a pas grand-chose dans le Code du travail sur l'indemnisation du chômage. Il y a quelques principes généraux, notamment le fait qu'on prévoit un salaire de remplacement un revenu de remplacement pour des salariés privés involontairement d'emploi. En gros, dans le Code du travail, il n'y a pas plus que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire salaire de remplacement ou revenu de remplacement? De 58 à 2019, tout le monde a compris pareil. Tous les négociateurs ont compris pareil. On va regarder le salaire que vous avez quand vous travaillez et on va vous en donner une proportion. On va faire un calcul à partir de ce salaire que vous avez quand vous travaillez et puis on va vous en donner une partie quand vous ne travaillez pas. Revenu de remplacement. Donc le remplacement, c'est quand vous ne travaillez pas, on remplace le revenu de quand vous travaillez. J'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait, la réforme de 2019 rompt avec cette logique qui paraît simple et qui était la compréhension de tous les négociateurs, du MEDEF, du CNPF, de tous les syndicats depuis 58. Et donc là, on a quelque chose qui est grave. La deuxième chose importante à retenir dans la grammaire de l'indemnisation, oui, donc la valeur moyenne de ce que vous travaillez, c'est ce qu'on appelle le salaire journalier de référence. Le vocabulaire de l'indemnisation chômage, il y avait ce qu'on appelle le SJR, salaire journalier de référence, qui est un tarif, en fait, qui est un tarif. Vous êtes au SMIC, votre salaire journalier de référence, c'est le SMIC jour. Vous gagnez deux fois le SMIC, votre salaire journalier de référence, c'est deux fois le SMIC. C'est pas plus compliqué que ça. C'est combien vous gagnez quand vous travaillez. Le salaire de remplacement, une conséquence, c'est qu'il est quand même journalier. C'est quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure et qui a été complètement oublié par le gouvernement. C'est que tout est journalier dans la manière dont sont rédigés les droits des salariés. On n'est pas du tout mensualisé. Les salaires sont mensualisés, etc. Bon, ok. Mais l'indemnisation chômage n'a jamais été mensualisée. Jamais. Et donc un chômeur, en février, il touche 28 allocations journalières, un mois à 31, c'est 31, un mois à 30. Donc c'est pas comme un salarié qui, tous les mois, peut avoir, ou un fonctionnaire qui, tous les mois, a la même chose, qu'il ait, quel que soit le nombre de jours. Donc c'est très important de comprendre, malgré tout, cette histoire de le fait que c'est un droit journalier, parce que ça a beaucoup été négligé dans la réforme actuelle. Dernier point, non, je ne vais pas faire le dernier point, je simplifie. Alors, qu'est-ce qui a été changé en 2019-2021? En fait, il y a une seule chose qui a été changée dans cette réforme. Une seule. Il y a quelques éléments sur les cadres, etc. Mais fondamentalement, on a changé la définition du salaire journalier de référence. C'est la partie technique de l'affaire. Pour simplifier l'affaire, pour calculer le salaire journalier de référence, si ça, admettons, c'est l'emploi, 3 mois d'emprunt, on va mettre, je ne sais pas moi, 6 mois de chômage, et puis 3 mois d'emploi. Ça fait 12 mois. Admettons que la personne gagne le SMIC, ok. Enfin, 1500 euros, on va dire, un brut. On va pas chipoter. Donc, ça fait que là, le SJR, normalement, ici, quand la personne tombe au chômage ici, et qu'on lui calcule ses droits, son salaire journalier de référence, avant, c'était pas compliqué, c'était le SMIC divisé par 30. Bon. Disons qu'en en mensuel, ça donnait le SMIC. Ok ? Parce qu'on divisait 1500 fois 6, donc 1500 euros brut fois 6, divisé par 6 mois. Et la réforme, c'est juste de changer la définition du SJR. Donc on a dit, on va prendre en compte non seulement les jours travaillés, mais aussi les jours non travaillés. Et donc, au lieu de diviser les 1500 euros fois 6, donc les 9000 euros par 6 mois, on va les diviser par 12. Donc évidemment, le SJR ici, il va être égal à un demi-SMIC. Donc la base sur laquelle est calculée l'indemnisation est égale à un demi-SMIC. Alors il y a... Bon, ça c'est la manière la plus simple de présenter les choses. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué. C'est que la durée par laquelle on divise, elle est égale, donc là elle est égale à 12, mais elle est égale, elle est... Parce que la question se pose de quel chômage on prend en considération. Et donc ne sont pris en considération que des périodes de chômage entre deux emplois. Donc autrement dit, la durée par laquelle on va diviser la totalité des salaires versés, c'est la durée qui se situe entre le premier jour du premier contrat, des 24 derniers mois, et le dernier jour du dernier contrat. C'est important pour comprendre la décision du Conseil d'État. Ça veut dire, donc je viens juste sur la décision du Conseil d'État pour vous l'expliquer rapidement, donc on est sur les 24 derniers mois. Donc ça voulait dire que là, par exemple, si je prends, donc on a pris 3 mois, 6 mois, 3 mois, mais si je fais 3 mois et 18 mois, là, le SJR, il est égal à, si je ne me trompe pas, un quart. C'est-à-dire 6 divisé par 24, ce qui fait bien un quart. Okay, donc on a pris en compte. Là, on a divisé par 2. Mais par contre, si la personne elle a 2 contrats de 3 mois successifs, la même. Là, on divise 6 par 6, puisque le premier jour, il est là. Okay. Juste un élément, parce que cette affaire-là va être un petit peu importante. Là, si j'ai 6 mois ici, donc ça ne change rien, la réforme n'a pas d'effet, d'accord, on est sur le SMIC. Par contre, je dis ça pour les jeunes, les étudiants notamment, si vous avez fait un babysitting ici de 2 heures déclarées, désolé, on divise par les 24 mois. Donc après, dans les incohérences, je vous montrerai, mais bon, il y a des cas, et donc on s'est un peu régalé en montrant des cas comme ça, où une heure de travail qui va vous rapporter, ou admettons une demi-journée de travail qui va vous rapporter une centaine d'euros, 50 euros, je sais pas quoi, peut vous faire perdre des milliers et des milliers d'euros de droits, simplement par ce calcul. Donc le Conseil d'État a considéré que c'était un peu excessif que des personnes strictement identiques puissent voir leur salaire de référence divisé par 4, donc d'un facteur de 1 à 4. C'est la base du calcul, là, ça se reporte ensuite sur les allocations. Donc le Conseil d'État a considéré la première fois que c'était excessif. Et donc la deuxième réforme, qui est celle en vigueur aujourd'hui, limite le diviseur, en gros, là, pour dire qu'on ne peut pas baisser de plus de 43%, je crois, ou 47%. Okay, donc on a limité... On a rendu impossible ce cas-là, d'accord, en disant qu'on ne va pas prendre en considération 18 mois ici, mais seulement Je sais plus à combien, enfin en gros, une partie de ces 18 mois, ça doit faire 9 mois, quelque chose comme ça. Bon, le problème d'inégalité de traitement demeure, etc., mais les extrêmes sont moins éloignés, et c'est moins grossier que ce qui a été dénoncé par le Conseil d'État en 2020, d'accord, qui était énorme, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand vous calculez ensuite les allocations, c'était délirant, et puis c'était très simple à expliquer, vous voyez, bon. Je passe sur la question d'intelligibilité, mais vous voyez que déjà, là, pour vous présenter quelque chose de simple, c'est un petit peu compliqué. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, notamment quand on rajoute la question de l'activité réduite. Parce que alors là, vous commencez à vous prendre la tête pour savoir combien d'indemnités journalières les personnes ont droit, sachant qu'en fait, dans le dispositif mathématique qui est mis en place, juste en changeant cette définition, le terme de journalier devient impropre, en fait. Donc aujourd'hui, par exemple, on va dire à quelqu'un que vous avez le droit à 2 indemnités journalières pour 4 jours de chômage. Enfin, tous les termes, par ce jeu de changement de la définition, comme ils n'ont rien changé d'autre, ils ont changé que la définition du salaire journalier de référence, tous les termes qui habituellement avaient un sens perdent leur sens, notamment le terme de journalier. Donc une allocation journalière, les allocataires vont peut-être imaginer que ça a un lien avec la journée, et en fait, ça n'a plus de lien avec la notion de journée. Ça devient un tiers de journée, un demi-journée, enfin, bon. Donc ce qui était compliqué, parce que quand les mots sont utilisés pour dire autre chose que ce qu'ils veulent dire, quand vous dites blanc pour dire noir, c'est intellectuellement, ça devient assez compliqué à imaginer. Mais je passe sur ce point-là. Alors, le deuxième point, en termes d'interprétation, c'est de se demander si le chômage est toujours l'objet d'indemnisation du chômage. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'à 2019, bah, ce qu'on regardait, c'était, comment dire, on regardait si vous étiez objectivement au chômage, pour savoir si vous aviez le droit à quelque chose. Ce objectif, le fait que ce objectif, par exemple, si vous êtes au chômage 10 jours, que ce n'est pas de votre fait, etc., vous êtes chômeur involontaire, tout ça, bah vous êtes au chômage 10 jours et vous allez être traité de la même manière que quelqu'un d'autre qui est au chômage 10 jours. Là, les choses changent et sont individualisées. Lui, il était au chômage, on va lui dire, tu étais au chômage des 3/4 du temps. Et donc, on va diminuer ton droit de la même proportion. Alors, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai mathématiquement pour tous les chômeurs, mais pour les chômeurs avec les meilleurs salaires, c'est vrai. La règle, en fait, quand vous le traduisez, et ça n'a jamais été présenté comme ça dans le débat, parce qu'il faut vraiment un effort de traduction, elle est très simple. Vous avez été au chômage la moitié du temps, on vous retire la moitié de vos droits. Pour tous les hauts salaires, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que lui, il est au chômage la moitié du temps, et ben son droit, il va être, donc, je vais lui mettre 2 SMIC, hein. Hop, comme ça, on va avoir un haut salaire, un salaire plus élevé, d'accord, ben lui, son droit, il va être diminué par 2, il va être divisé par 2, parce qu'il est au chômage la moitié du temps. Donc, vous voyez, une forme de punition qui est égale à la proportion de chômage que vous avez eu dans la période antérieure. Vous avez été au chômage la moitié du temps dans la période qu'on observe de référence, où vous avez comme punition d'être 2 fois moins indemnisé. Donc le chômage n'a plus le même sens, parce que d'une valeur objective et collective, je suis au chômage 10 jours, tu es au chômage 10 jours, on est au chômage 10 jours, ben en fait non, c'est plus pareil. Parce que moi, c'était pas mon habitude d'être au chômage 10 jours, donc je mérite plus que toi qui étais au chômage d'habitude pendant les 24 mois. Donc toi, c'était ton habitude d'être au chômage 10 jours. Et en réalité, ce que ça signifie, c'est que si on prend d'ailleurs mois par mois, quelqu'un qui est au chômage une partie du mois, cette personne-là, admettons, qui a une quotité de la moitié, ne va commencer à être indemnisé qu'à partir du 16e jour. C'est-à-dire que les 15 premiers jours de chômage dans le mois, on va lui dire ça, c'est ton chômage habituel. C'est ton habitude. l'habitude étant déterminée par la période qui précède. D'accord ? Ton habitude, c'est d'être au chômage la moitié du temps. Et donc, on va commencer à t'indemniser, non pas quand tu es au chômage, mais quand tu es au chômage plus que d'habitude. Et donc, on commence à être quelqu'un qui est au chômage la moitié du temps, il est au chômage plus que d'habitude quand il est au chômage le 16e jour. Les 15 premiers jours, c'est normal. Il est tout le temps au chômage comme ça. Donc, c'est pas indemnisable. Ce qui commence à être indemnisable, c'est quand la personne est en surchômage, en quelque sorte. Il est plus au chômage que d'habitude. C'est ça la logique, et donc ça individualise les choses, parce qu'en fait, on ne regarde pas objectivement si vous êtes au chômage ou pas, on regarde, est-ce que votre chômage, il a évolué par rapport au passé ? Est-ce que vous êtes plus ou moins au chômage par rapport à votre référence ? Donc la première chose, c'est qu'on peut se poser la question, effectivement, de savoir si le chômage est toujours l'objet de l'indemnisation, parce que ce n'est plus le fait d'être au chômage qui fait qu'on est indemnisé, c'est le fait d'être plus, individuellement plus au chômage qu'auparavant. Pour le dire encore plus simplement, et là il y a une certaine, je ne vais pas dire de culpabilité des syndicats, mais malgré tout, ce que les Américains appellent l'experience rating. C'est quoi l'experience rating ? C'est le principe du bonus-malus. Le principe du bonus-malus que les syndicats ont voulu pour les employeurs, pour punir les mauvais employeurs. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on voulait punir les mauvais employeurs et récompenser les bons employeurs. Ce qui s'est passé, c'est que Macron, il a juste inversé la logique. Il a dit « D'accord, c'est super votre truc. » Tirole, il adore ça. Les économistes néolibéraux, ils adorent ça. Parce que c'est incitatif, etc. Mais on va l'appliquer aux chômeurs. Les bons chômeurs, on va les récompenser. Les mauvais chômeurs, on va les punir. Ceux qui ont l'habitude d'être au chômage, on va les punir. Et ceux qui sont des bons chômeurs, c'est-à-dire ceux pour qui c'est un accident, et c'est vraiment la première fois que ça leur arrive, on ne va pas les punir. On va maintenir leurs droits. Donc, techniquement, donc les dispositifs d'experience rating, ça consiste en quoi ? Ça consiste à dire... alors, les Français, les économistes français, ils lisent ça qu'à travers l'assurance chômage. Et aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de... Donc ça dépend des États, mais le principe est à chaque fois le même dans tous les États des États-Unis, c'est que les employeurs payent, selon un principe pollueur-payeur, une partie du chômage qu'ils causent. C'est-à-dire qu'eux, s'ils virent des gens, s'ils mettent des gens au chômage, ça fait augmenter leur taux de cotisation. Autrement dit, ça fait que, indirectement, ils commencent à payer, à financer l'assurance chômage locale, d'autant plus qu'il crée de la pollution sociale, c'est-à-dire du chômage. C'est le principe du bonus-malus, hein, c'est exactement la même chose, c'est juste les mauvais employeurs, ils créent des coûts collectifs, et c'est pas possible d'avoir cette pollution sociale, donc ils doivent prendre en charge cette pollution, c'est un principe de responsabilité, ils doivent prendre en charge cette pollution. Inversement, les bons employeurs, ils n'ont pas de difficulté. Donc les Français retiennent ça. Le principe d'experience rating, en fait, c'est un principe beaucoup plus général qui est utilisé dans les assurances américaines à tout point de vue. Et en particulier, je le signale, c'est quand même quelque chose qui était excessivement important en matière de santé. En matière de santé, avant Obamacare, donc Obamacare c'est 2010, donc la loi qui s'appelle le Patient Protection and Affordable Care Act, donc qui est connu sous le nom d'Obamacare, qui introduit des vagues mécanismes de sécurité sociale aux États-Unis, il interdit l'experience rating en matière de santé. Il y a prohibition de cette technique. Cette technique, c'était quoi ? C'était de dire à quelqu'un, vous êtes en mauvaise santé, vous devez payer plus, soit avoir des cotisations plus élevées, d'accord ? Donc exactement comme les assureurs le font pour un emprunt immobilier, etc. Là, c'était le principe des assurances santé. d'accord, aux États-Unis en disant ben, vous êtes en mauvaise santé, vous avez des antécédents en termes de santé, vous coûtez cher, vous, soit vous payez plus, soit on vous couvre moins. Mais quoi qu'il arrive, on module votre niveau d'assurance, soit par le coût, soit par le niveau de couverture. Obama interdit ça, en disant ça n'est pas possible de faire ça, il faut assurer de manière identique, on ne peut pas discriminer les personnes en fonction de leur antécédent, du risque couvert. D'accord ? C'est pas parce que vous êtes en mauvaise santé que, voilà. En France, évidemment, la sécurité sociale interdit par nature ce type de raisonnement. Le code de la mutualité interdit cette pratique. Et c'est exactement cette pratique qu'on met en œuvre pour les chômeurs dans le cadre de cette réforme. Donc, vous voyez, c'est exactement ça qu'on fait pour le chômeur. Vous avez un antécédent de chômage. L'antécédent de chômage justifie une baisse de vos droits. Le seul lieu où on pratique l'expérience active dans le système de protection sociale français, c'est les accidents du travail. Accidents de travail, maladie professionnelle, où effectivement, il y a une modulation pour les employeurs, des taux de cotisation en fonction de la sinistralité. Vous avez une boîte qui a beaucoup d'accidents du travail, plus que dans votre secteur. Et si votre secteur a plus d'accidents du travail que dans la moyenne des autres secteurs, etc., bah vous payez des surcotisations. Okay. C'est fait pour des raisons de prévention, etc., pour inciter les employeurs à faire attention. Mais jamais, jamais, évidemment, on a pensé faire la même chose pour les salariés. Imaginez un seul instant qu'on dise... Écoute, tu as eu deux accidents du travail, on ne va pas assurer le troisième, hein, c'est bon. Ça suffit, ou en tout cas, on va diminuer le tout. C'est exactement ce qu'on fait en termes de chômage. C'est-à-dire que cette réforme, c'est ça. C'est une manière de généraliser ce principe d'expérience rating et donc de faire un truc qui se veut symétrique, en quelque sorte, puisqu'on fait le bonus-malus pour les employeurs. Et on fait l'expérience rating pour les... on fait ce principe-là de calcul pour les salariés. Je vais très vite sur le dernier point, sur l'ambiguïté du chômage volontaire, mais disons que l'idée qu'il y a derrière, c'est effectivement que s'il y a une régularité du chômage... La régularité du chômage prouve le caractère volontaire du chômage dans cette théorie-là. C'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps chez les saisonniers, à propos de l'intersaison, donc la morte saison. Donc la morte saison, très longtemps, elle a été des saisonniers qui travaillent par exemple l'hiver et l'été. Bon, entre les deux, l'automne, au printemps, on leur disait non, vous n'êtes pas indemnisable, parce qu'au fond, le fait que vous soyez tout le temps au chômage à la même période montre que c'est volontaire. C'est quelque chose qui a été aboli à la fin des années 90, je crois, et les saisonniers... pu percevoir des indemnités pour ces périodes de chômage-là, ça a totalement disparu. De toute façon, le caractère volontaire du chômage et la nature involontaire du chômage, la justification par la nature involontaire du chômage était devenue très factice, en réalité, et notamment avec les ruptures conventionnelles. Je veux dire, les ruptures conventionnelles donnent droit au chômage, etc. Il y a un moment où les juristes peuvent s'amuser à dire que c'est du chômage qui est involontaire. Enfin... La personne, elle signe un papier, il y a une rupture qui est décidée par les deux parties, on pourrait très bien dire que c'est du chômage volontaire. Bon, moi, personnellement, ça m'est complètement égal que ce soit volontaire ou pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on devrait avoir un droit au chômeur pour le chômage, quelle que soit la source du bazar. Bon, enfin, bon, passons. En tout cas, c'est un retour extrêmement strict à cette doctrine du chômage volontaire, avec le fait... de dire que ben oui, le chômage est volontaire dès lors qu'il est répété. Et ça, c'est quand même quelque chose d'un recul historique très important. Alors, je vais très vite sur la troisième partie, parce que ça fait plus d'une heure que je parle. Première incohérence de cette réforme, alors c'était le grand argument des deux ministres, c'était de dire les personnes sont indemnisées plus longtemps. Le capital de droit reste le même, en fait, à chaque fois, voire il est amélioré par la réforme. D'accord ? Mais on peut être indemnisé... On est indemnisé moins, d'accord. Par exemple, là, cette personne-là, son indemnité est divisée par deux, mais elle maintenait un droit deux fois plus longtemps. Le capital, c'est-à-dire la somme totale du droit étant supposée être la même. Donc ça, c'est évidemment une fiction totale, parce que les droits, et les intermittents du spectacle le savent bien, c'est pas un capital une fois pour toutes. On ne paye pas une fois une indemnisation chômage. La plupart des chômeurs, notamment ceux qui sont en intermittence, bah, une fois qu'ils épuisent leurs droits, il y a un nouveau droit qui apparaît. D'accord. Donc le fait de dire que le capital dure plus longtemps, c'est une fiction. Et on a montré bon, des cas, notamment, où les droits pouvaient mettre 90 ans à être... donc là, pour le coup, c'était des cas extrêmes, hein, mais on les a trouvés. Des cas où on pouvait mettre 90 ans à épuiser le droit. Et donc ça pose plein de questions, c'est-à-dire qu'un droit... enfin, ça pose toutes les questions qui sont déjà posées hein, sur l'assurance chômage, sur le droit d'option, le droit de refuser un droit. C'est-à-dire, à partir du moment où on vous dit que vous avez droit à 4 euros par jour ou 3 euros par jour, la question se pose de savoir est-ce que vous avez le droit de renoncer à votre droit. Parce qu'en fait, il vous suffit de n'importe quel emploi à peu près bien payé pour ouvrir des nouveaux droits qui soient beaucoup plus dignes. D'accord ? Mais en réalité, là, il faut avoir épuisé son droit, quasiment épuisé son droit, pour pouvoir réouvrir un nouveau droit. Donc ça, c'est les cas les plus compliqués. Mais enfin, les étudiants connaissent ce genre de situation. Vous faites des boulots à la con qui vous rapportent peu pendant vos études. OK, très intermittent, vous ouvrez peu de droits. Donc voilà, vous tombez au chômage. En fait, après la fin de vos études, vous êtes embauché, vous avez un super salaire de cadre, je ne sais pas quoi. Et là, vous tombez au chômage, vous imaginez un peu naïvement que vous aurez votre chômage en fonction de votre salaire de cadre, et puis on vous dit non. En fait, ton babysitting et ton McDo et ton machin et tout ça, il va falloir le purger. C'est-à-dire que tu as acquis des droits pour 3 ans grâce à ton McDo, à ton machin, à ton bidule. Et donc, il va falloir attendre de purger ou quasiment purger, c'est pas tout à fait vrai, hein, de purger, ça va pas jusqu'au bout, mais ça peut aller très loin, avant de pouvoir bénéficier du droit lié à l'emploi bien rémunéré. Donc cette logique-là pose aussi des problèmes très, très pratiques et bon, pose la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un droit très long. En fait, un droit très long, ce n'est pas forcément très intéressant pour le salarié. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu beaucoup de contradictions sur les incitations. Bon, je vais très vite, mais globalement, si on reprend l'exemple du visiting, la personne qui a fait son babysitting, elle a gagné 50 euros et elle a perdu, là, dans la première version de la réforme, hein, celle qui a été condamnée par le Conseil d'État, elle avait perdu près de la 75% de ses droits. Donc admettons que les droits, ce soit quelque chose comme 1000 euros, je sais pas quoi, par mois, une allocation de 1000 euros, bon, bah, ça fait qu'elle a perdu 750 euros par mois. Sur 24 mois. Donc vous faites le calcul vous-même. Enfin, ça ne vaut pas le fait qu'elle ait travaillé pour 50 euros, lui fait perdre tout ça. Donc ça aboutit à un truc qui est un petit peu contradictoire avec ce qui était annoncé par les pouvoirs publics, qui était de dire le but c'est de lutter contre les contrats courts. Alors oui, ça lutte contre les contrats courts, mais là. La personne qui fait son babysitting, en fait, c'est quoi lutter contre les contrats courts ? C'est... Là, la réponse pour elle, c'est de dire ne pas prendre d'emploi court. Mais ne pas prendre d'emploi du tout, en fait. Ce qui n'est pas ce que voulait dire le gouvernement. Le gouvernement, il voulait dire lutter contre les contrats courts, ça voulait dire demander au patron un contrat plus long. Donc évidemment, bon, ben, un pauvre étudiant qui ne fait babysitting, elle va demander un contrat plus long. Enfin, ça, tout ça n'a absolument pas de sens. Et ça revient un petit peu à ce que je racontais tout à l'heure sur la notion de contrat court. C'est-à-dire que, voilà, un babysitting, c'est un babysitting, on va pas aller demander un CDI, babysitting, je sais pas quoi, enfin tout ça est totalement absurde, en fait. Et quand on réfléchit à ce niveau d'abstraction, contrat court, contrat long, effectivement, on peut dire ce genre de choses absurdes. Donc, voilà, en tout cas, du coup, il y a un élément en termes d'incitation qui est pas clair, parce que on dit qu'on veut lutter contre les contrats courts, et en réalité, bon, il y a des situations, comme ici, dans lesquelles ben, un contrat court peut être, enfin, en tout cas, plus d'emplois va générer moins de droits, ce qui est quand même paradoxal, alors qu'en réalité, une fois qu'on a ouvert le bal, c'est-à-dire qu'on a le premier jour de travail, Bah en fait, on est dans une logique d'incitation totalement différente. C'est-à-dire qu'il faut boucher les trous. C'est-à-dire que dès lors que hop, le premier jour est marqué, vous allez vous faire un emploi là, bah là, en fait, votre intérêt, c'est à tout prix, d'éviter le trou. Tout ce que vous pourrez faire là, court ou pas court, en fait, augmentera votre droit futur. Donc là aussi, où il y a une hypocrisie, c'est qu'on dit qu'on ne peut pas lutter contre les contrats courts. Mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut plus d'emplois, quelle que soit la longueur en fait, des contrats. C'est-à-dire que là, sur 6 mois, donc 180 contrats d'un jour, ça va très bien au gouvernement, en fait. D'accord ? C'est pas son problème. 180 contrats d'un jour ou un contrat de 6 mois, ça a exactement le même effet. D'accord ? Donc, il y a une certaine hypocrisie dans ce truc de la lutte contre les contrats courts, parce qu'en fait, la réalité des choses, c'est juste l'emploi de la manière la plus générique possible. C'est-à-dire, ben, plus vous êtes en emploi, moins vous êtes puni. Et donc, il y a une logique d'emploi à tout prix, y compris dans des conditions qui ne sont pas tolérables pour les salariés, qui est valorisée. Dernier point, bon là c'est plus pour vous raconter aussi ce que moi j'ai fait avec la CGT. Pour le Conseil d'État, on a essayé de montrer, mais alors c'est hyper compliqué, qu'on pouvait arriver à des inégalités de traitement qui étaient encore plus impressionnantes que celles qu'on avait mentionnées lors du premier recours. Donc premier recours, donc je vous ai expliqué, on disait le SJR va pouvoir aller de 1 à 4. D'accord, d'un facteur 1 à 4. Là, on a montré... Alors, c'est issu d'une conférence de presse qu'on avait fait avec la CGT. Le gouvernement a très peu goûté la conférence de presse. Donc, en fait, ce qu'on faisait... Ah oui, voilà, je me rappelle. On faisait varier deux choses. Et la première chose, c'est le fractionnement ou non de la période de référence. Donc, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai raconté. D'accord, soit c'est fractionné... et ça fait baisser le SJR, le salaire journalier de référence, soit les choses sont bien contiguës et on est au maximum possible du droit. Donc déjà, ça fait un premier facteur d'inégalité de traitement. Mais je me suis amusé à faire un autre calcul. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le 16e jour. Donc les gens sont indemnisés qu'à partir du 16e jour, le 16e jour de chômage. Donc je me suis dit, ben, en fait, c'est pas compliqué, il suffit de regarder un mois de chômage, mais en changeant la date dans le mois civil. Et donc, j'ai comparé des situations de personnes qui sont au chômage un mois sur deux sur des mois civils, par exemple, tout le mois de janvier, tout le mois de mars, tout le mois de mai. Et puis, j'ai fait varier en disant non, on va faire la même chose, la même personne, mais qui travaille du 15 au 16, enfin du 16 au 15. En fait, la période qui travaille du 16 au 15, au mois de janvier, elle a droit à zéro, parce qu'elle est au chômage de 15 jours, elle n'arrive pas à avoir un truc. Et au mois de février, elle va avoir qu'un seul jour. Ok ? Et ainsi de suite. Alors que la personne qui est au chômage un mois sur deux sur les mois civils, eh ben, chaque mois, elle va avoir, pleinement au chômage, elle va avoir droit à pleinement son allocation. Donc du coup, la même personne, strictement le même parcours, décalé de 15 jours, donne lieu à des droits radicalement différents. Alors là, c'est par exemple ce qu'on montre sur le SMIC, donc un salarié au SMIC, avec un emploi fractionné, qui travaille, qui a un CDD du 1er avril au 30 avril, et qui a 31 jours de chômage du 1er mai au 31 mai, on avait calculé qu'il avait 678 euros. La même chose, mais le type travaille du 14 avril au 13 mai. Donc, il avait fait 13 jours de chômage en avril, 18 jours de chômage en mai. Il a 219 euros. Donc son truc est divisé par 3. Avec le même emploi fractionné en amont. D'accord ? Donc là, je ne fais pas varier l'emploi fractionné. Si on faisait aussi varier l'emploi fractionné en disant, ben, on prend le même que lui, mais on change aussi juste sa période de référence, puisque le Conseil d'État avait dit que c'était pas bien de modifier la répartition dans la période de référence, ben, on passe de quelqu'un qui peut avoir 966 euros à quelqu'un qui peut avoir 219 euros. Et ça, c'est sur quelqu'un qui est au SMIC. Et au SMIC, en fait, il y a des parties fixes, enfin, il y a des parties forfaitaires des droits qui font que c'est pas si grave. Maintenant, la même chose avec un salarié qui a 2800 euros de salaire habituel. Là, on a montré que un salarié, donc sans fractionnement, etc., il avait un droit de 1492 sur un mois complet. D'accord ? Donc un salarié qui gagne 2800 euros habituellement, s'il est au chômage un mois, il a droit à 1492 euros. Maintenant, si son emploi est fractionné, il va avoir droit qu'à 949 euros. D'accord ? Donc la fraction, je crois que c'était du 1 sur 2 à peu près. Hein. Donc il a été au chômage la moitié du temps dans sa période de référence. Si jamais on décale juste de 15 jours les périodes de chômage considérées, il a le droit à 32 euros par mois. C'est-à-dire une indemnité journalière. Donc ça signifie que les mêmes personnes, strictement les mêmes personnes, qui ont les mêmes parcours, qui ont les mêmes salaires, qui ont les mêmes périodes de chômage, etc., il y en a un qui peut avoir 1492 euros et l'autre qui peut avoir 32 euros. Donc voilà, ça faisait un rapport de 47. Je m'arrête là. Et simplement pour vous dire que cet argument n'a pas convaincu le Conseil d'État, qui a trouvé que qu'il fallait prendre en considération aussi les salaires de celui qui avait 32 euros, puisqu'il avait travaillé 15 jours au mois de mai. Donc je vous laisse apprécier la bonne foi de cet argument, puisque évidemment, lui, il a touché des salaires aussi pendant le mois précédent. Et, bon, mais évidemment, si on ferme le regard uniquement sur le mois considéré, y en a un qui a travaillé 15 jours et l'autre qui a travaillé 0 jours, donc c'est pas les mêmes. C'est ce qu'on nous a dit. Je m'arrête là. Chômage et indemnisation du chômage. Premier bilan d'une contre-réforme. C'était l'intervention de Mathieu Grégoire pour faire le point sur cette question. Une conférence tenue ce mardi 15 mars. Mathieu Grégoire, sociologue, qui travaille précisément sur la situation de l'assurance chômage et les politiques du chômage de manière générale, qui était invité par l'Institut du Travail de Saint-Étienne, que l'on remercie d'ailleurs vivement, dont Serge Proust, bien sûr, pour cette conférence et autorisation à diffuser cette conférence. Membre actif du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Nous étions plutôt là dans l'actualité aussi des travailleurs ou non-travailleurs pour cette émission aujourd'hui, la mensuelle du GREMOS, le troisième jeudi de chaque mois, 12h, rediffusion 19h. Et lendemain en matinale dès 8h. Une prochaine conférence de l'Institut du Travail devrait se tenir prochainement, ce devrait être le mois prochain. On aura l'occasion de vous rappeler ce rendez-vous au mois d'avril, une intervention et conférence qui devrait porter sur les accidents du travail. Autre vaste question, on vous reconfirmera la chose. On vous renvoie en tout cas sur le site dédié du GREMOS, gremos.fr, précédé des droits W bien entendu, pour l'ensemble de l'actualité, des articles, publications et autres sources et ressources de l'association. On se retrouve donc le mois prochain, troisième jeudi du mois d'avril, pour un nouveau numéro de cette émission. Petit agenda très rapide pour terminer ce programme avec une seule information à vous communiquer, puisque c'était un Là aussi, une intervention d'il y a quelques mois dans cette même émission du Grémos, Rachid Kadour, qui travaillait à la parution de son ouvrage portant sur les grands ensembles, patrimoine en devenir. Désormais, ce travail est effectivement publié et donc disponible. Que deviennent aujourd'hui les grands ensembles hérités des années 50-70 ? Un travail qui porte précisément sur les quartiers sud-est, ici où Diou est installé, à Saint-Étienne, Beaulieu, La Marandinière, Montchauvet, La Palle, à Saint-Étienne, partagé entre démolition, réhabilitation, reconnaissance au titre du patrimoine, sont exemplaires des évolutions possibles. Un ouvrage disponible au travers duquel Rachid Kadour en présente l'histoire, l'actualité, l'école d'architecture de Saint-Étienne, l'université Jean Monnet, les archives municipales et la cinémathèque de Saint-Étienne proposent à partir de demain, ce vendredi 18 mars, une exposition déclinée via objets, documents anciens, maquettes, photographes, vidéos, pour redécouvrir l'histoire de ces grands ensembles du sud-est de la ville, afin de mieux comprendre aussi la réalité d'aujourd'hui et les transformations qu'ils connaissent aujourd'hui et demain. Les grands ensembles, patrimoine en devenir, une exposition à découvrir jusqu'au 3 avril prochain à l'atrium de la bibliothèque universitaire de Saint-Étienne, qui est située 1 rue Tréfilerie. C'est la toute fin de ce programme au format un peu particulier aujourd'hui du Grémos. On se retrouve donc très prochainement sur cette antenne pour un nouveau numéro, ou au-delà aussi, vous faire part toujours de l'actualité locale, en vous souhaitant une très belle fin de journée. À très bientôt. Ciao, bye.